Livre 3, La Cité. Chapitre 1er, La Fratrie et la Curie, la Tribu. Nous n'avons présenté jusqu'ici, et nous ne pouvons présenter encore, aucune date. Dans l'histoire de ces sociétés antiques, les époques sont plus facilement marquées par la succession des idées et des institutions que par celle des années. L'étude des anciennes règles du droit privé nous a fait entrevoir, par-delà les temps qu'on appelle historiques, une période de siècles pendant lesquelles la famille fut la seule forme de société. Cette famille pouvait alors contenir dans son large cadre plusieurs milliers d'êtres humains. Mais dans ses limites, l'association humaine était encore trop étroite pour les besoins matériels, car il était difficile que cette famille se suffit en présence de toutes les chances de la vie, trop étroite aussi pour les besoins moraux de notre nature. Car nous avons vu combien, dans ce petit monde, l'intelligence du divin était insuffisante et la morale incomplète. La petitesse de cette société primitive répondait bien à la petitesse de l'idée qu'on s'était faite de la divinité. Chaque famille avait ses dieux, et l'homme ne concevait et n'adorait que des divinités domestiques. Mais il ne devait pas se contenter longtemps de ces dieux si forts, au-dessous de ce que son intelligence peut atteindre. S'il lui fallait encore beaucoup de siècles pour arriver à se représenter Dieu comme un être unique, incomparable, infini du moins, il devait se rapprocher insensiblement de cet idéal, en agrandissant d'âge en âge sa conception, et en reculant peu à peu l'horizon dont la ligne sépare pour lui l'être divin des choses de la terre. L'idée religieuse et la société humaine allaient donc grandir en même temps. La religion domestique défendait à deux familles de se mêler et de se fondre ensemble. Mais il était possible que plusieurs familles, sans rien sacrifier de leur religion particulière, s'unissent du moins pour la célébration d'un autre culte qui leur fut commun. C'est ce qui arriva. Un certain nombre de familles formèrent un groupe que la langue grecque appelait une fratrie, la langue latine une curie. Fratrie et curie étaient deux termes que l'on traduisait l'un par l'autre. Était-il possible entre les familles d'un même groupe un lien de naissance? Il est impossible de l'affirmer. Ce qui est sûr, c'est que cette association nouvelle ne se fit pas sans un certain élargissement de l'idée religieuse. Au moment même où elles s'unissaient, ces familles conçurent une divinité supérieure à leur divinité domestique, qui leur était commune à toutes, et qui veillait sur le groupe entier. Elles lui élevèrent un autel, allumèrent un feu sacré, et instituèrent un culte. Il n'y avait pas de curie, de fratrie, qui n'eût son autel et son dieu protecteur. L'acte religieux y était de même nature que dans la famille. Il consistait essentiellement en un repas fait en commun. La nourriture avait été préparée sur l'autel lui-même et était par conséquent sacrée. On la mangeait en récitant quelques prières. La divinité était présente et recevait sa part d'aliments et de breuvages. Ces repas religieux de la curie subsistèrent longtemps à Rome. Cicéron les mentionne, Ovide les décrit. Au temps d'Auguste, ils avaient encore conservé toutes leurs formes antiques. J'ai vu dans ces demeures sacrées, dit un historien de cette époque, le repas dressé devant le dieu. Les tables étaient de bois, suivant l'usage des ancêtres, et la vaisselle était de terre. Les aliments étaient des pains, des gâteaux de fleurs de farine et quelques fruits. J'ai vu faire les libations. Elles ne tombaient pas de coupes d'or ou d'argent, mais de vases d'argile. Et j'ai admiré les hommes de nos jours, qui restent si fidèles aux rites et aux coutumes de leurs pères. Quoi qu'il en dise, quelques changements s'étaient introduits. Les repas de la curie n'étaient plus qu'une vaine formalité, bonne pour les prêtres. Les membres de la curie s'en dispensaient volontiers, et l'usage s'était introduit de remplacer le repas commun par une distribution de vivres et d'argent. À Athènes, ces repas avaient lieu pendant la fête qu'on s'appelait apaturie. Il y a des usages qui ont duré jusqu'au dernier temps de l'histoire grecque et qui jettent quelques lumières sur la nature de la fratrie antique. Ainsi, nous voyons qu'au temps de Démosthène, pour faire partie de la fratrie, il fallait être né d'un mariage légitime dans une des familles qui la composaient. Car la religion de la fratrie, comme celle de la famille, ne se transmettait que par le sang. Le jeune Athénien était présenté à la fratrie par son père, qui jurait qu'il était son fils. L'admission avait lieu sous une forme religieuse. La fratrie immolait une victime et en faisait cuire la chair sur l'autel. tous les membres étaient présents. Refusaient-ils d'admettre le nouvel arrivant, comme ils en avaient le droit, s'ils doutaient de la légitimité de sa naissance, ils devaient enlever la chair de dessus l'autel. S'ils ne le faisaient pas, si après la cuisson ils partageaient avec le nouveau venu les chairs de la victime, le jeune homme était admis et devenait irrévocablement membre de l'association. Ce qui explique ces pratiques, c'est que les anciens croyaient que toute nourriture préparée sur un autel et partagée entre plusieurs personnes établissait entre elles un lien indissoluble et une union sainte qui ne cessait qu'avec la vie. Chaque fratrie ou curé avait un chef, curion ou fratriarque, dont la principale fonction était de présider au sacrifice. Peut-être ses attributions avaient-elles été à l'origine plus étendues. La fratrie avait ses assemblées, son tribunal, et pouvait porter des décrets. En elle aussi bien que dans la famille, il y avait un dieu, un culte, un sacerdoce, une justice, un gouvernement. C'était une petite société qui était modelée exactement sur la famille. L'association continua naturellement à grandir, et d'après le même mode. Plusieurs curies ou fratries se groupèrent et formèrent une tribu. Ce nouveau cercle eut encore sa religion. Dans chaque tribu, il y eut un autel et une divinité protectrice. Le dieu de la tribu était ordinairement de même nature que celui de la fratrie ou celui de la famille. C'était un homme divinisé, un héros. De lui la tribu tirait son nom. Aussi les Grecs l'appelaient-ils le héros éponyme. Il avait son jour de fête annuel. La partie principale de la cérémonie religieuse était un repas auquel la tribu entière prenait part. Il y a dans l'histoire des anciens une distinction à faire entre les tribus religieuses et les tribus locales. Nous ne parlons ici que des premières. Les secondes leur sont bien postérieures. L'existence des tribus est un fait universel en Grèce. La tribu, comme la fratrie, avait des assemblées et portait des décrets, auxquels tous ses membres devaient se soumettre. Elle avait un tribunal et un droit de justice sur ses membres. Elle avait un chef, tribunus. L'organisation politique et religieuse des trois tribus primitives de Rome a laissé peu de traces. Ces tribus étaient des corps trop considérables pour que la cité ne fît pas en sorte de les affaiblir et de leur ôter l'indépendance. Les plébéiens, d'ailleurs, ont travaillé à les faire disparaître. Dans ce qui nous reste des institutions de la tribu, on voit qu'elle avait été constituée, à l'origine pour être une société indépendante, et comme s'il n'y eut aucun pouvoir social au-dessus d'elle.